Bienvenue à Méloman sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ-FM ou encore en direct sur CFNJ.net de partout dans le monde. Mathieu Lajoie au micro en ce 23 septembre 2020. Très content de vous retrouver ce soir. C'est notre rendez-vous hebdomadaire de passionnés de la musique. En passant, gros merci encore une fois pour les beaux commentaires concernant l'émission 100% acoustique de la semaine passée. J'avoue que j'ai bien aimé ma soirée, moi aussi. Ça nous a fait une belle rencontre réconfortante. On va certainement répéter l'expérience dans un futur proche pour un Unplugged 2. Mais ce soir, vous le savez, Méloman, c'est une expérience différente à chaque fois. Et c'est pas en cette magnifique soirée d'automne qu'on va faire exception, parce qu'on va faire un petit voyage dans le temps. Une décennie qui est déjà 30 ans derrière nous. Un méloman entièrement consacré aux magnifiques années 90, aux 99 ans et 88.9 CFNJ. Carolina, wine your body, girl. Make the note of it for my damn. Japan.

99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know. C'est à Mélomanes que ça se passe ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9, où on se plonge dans les années 90 avec, bien sûr, No Doubt, qu'on vient d'entendre avec Don't Speak, troisième single de leur album Tragic Kingdom, sorti en 1995. On va tout d'abord les connaître avec les chansons Just a Girl et Spiderwebs, mais au mois d'avril 96, ils vont sortir Don't Speak, une chanson composée par Gwen Stefani et son grand frère Eric Stefani, une chanson qui va connaître un succès mondial qu'on lui connaît par la suite. et qui était précédé ici par une pièce dans laquelle vous avez peut-être reconnu le fameux thème de la marche impériale associée à Darth Vader, qui nous vient évidemment des Star Wars originaux. Eh bien, c'est normal, parce que c'est effectivement le même petit motif musical qu'on peut retrouver dans le très célèbre thème composé par John Williams en 1977. En fait, on devrait plutôt dire un leitmotiv, une technique qui remonte au moins à l'époque des opéras de Richard Wagner, qui associait un thème à chacun de ses personnages et qui les modifiait de variation en variation au fur et à mesure de l'intrigue. Mais par contre, détrompez-vous, parce que ce qu'on a entendu, c'était le One It Wonder Your Woman de la formation Whitetown en 97 et le sample sur lequel est bâtie la pièce et non pas la marche impériale de John Williams, mais bel et bien une ligne de trompette qui nous vient d'une pièce de 1932, celle de Al Bowley, un chanteur de jazz du Mozambique, dans sa pièce My Woman, d'où le titre Your Woman pour le groupe Whitetown. Et ça, c'est pas rien, parce qu'on a longtemps cru que la pièce se basait sur la marche impériale de John Williams. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que John Williams lui-même se serait très fortement inspiré d'une pièce de jazz de 1932 pour son fameux Star Wars marche impériale. Et ça, ben, c'est drôle, on trouve pas beaucoup d'informations là-dessus sur la net. Vous pourrez dire que vous avez appris ça à Méloman. Et allez écouter ça si vous avez une chance. Al Bowley avec My Woman. Et nous, ben, sinon, on a entendu juste avant ça, qui d'autre que ce cher KCLMNOP qui va finir par faire, semblerait-il, un petit séjour à la prison de Bordeaux. Mais bon, qui avant ça va connaître un succès surprise avec Ta gueule, Vis ta vie, puis reste en vie. En 96, tout le monde connaissait ça. Chose qui était précédée par un groupe qui va un peu sauver le métal dans les débuts 90, parce qu'on se rappelle que la vague grunge va frapper assez fort, merci. Il y a à peu près pas un style musical qui va être épargné, qui va y échapper au fameux grunge. Mais heureusement pour les métalleux de l'époque, il va y avoir Pantera, qui va arriver avec leur concoction bien à eux, inspirée du trash, mais qu'on va parfois appeler le groove metal, et qui est irrésistible. On les a entendus certainement avec leur plus grand succès, Walk, de leur opus Vulgar Display of Power de 92, un style qu'ils vont avoir peaufiné sur leur album précédent avec l'arrivée du chanteur Phil Anselmo sur leur excellent album précédent, Cowboys from Hell, de 1990, parce que ça, c'est pas tout le monde qui le sait, mais Pantera était un groupe complètement différent juste avant ça. Un groupe qui tirait plus vers le glam propre aux années 80, le spray net, le spandex, etc. Vous irez voir des photos, c'est quand même assez drôle. Il avait l'air un petit peu moins méchant, disons. Mais faut donner à César ce qui revient à César. Heureusement, leur nouveau style a grandement contribué au retour du métal dans les années 90. Et sinon, ben complètement ailleurs, en début de bloc, pas de surprise là, des gros hits avec I'm Too Sexy, la formation britannique Right Said Fred, qui bien sûr ont créé cette chanson-là dans un esprit pince sans rire, typiquement britannique, pour se moquer du narcissisme du monde de la mode, entre autres. Il semblerait même que le groupe ait tout d'abord enregistré une version plus indie rock de la chanson, que j'aimerais bien entendre d'ailleurs. Et il y a une ligne de synthétiseur dans la chanson qui rappelle étrangement, même très directement, le thème de Third Stone from the Sun de Jimi Hendrix, si jamais vous avez la chance d'entendre ça. Ça m'étonne, en tout cas, ils n'ont pas été poursuivis quoi que ce soit, mais c'est exactement le même thème. Et sinon, le bloc amorcé par un jeune Jamaïcain du nom de Shaggy, qu'on découvrait en 93 avec Oh Carolina, qui est en fait une reprise de la chanson du même nom du groupe ska jamaïcain The Folks Brothers, chanson de 1958. Mais nous, on a encore plein de belles musiques à venir en ce Méloman spécial 90 au 99.1 et 88.9 CFNJ. I'm having trouble trying to sleep. I'm counting shit but running out. As time ticks by, still I try. No rest for crosstabs in my mind. On my own, here we go. We'll be right back. they're gonna bleed. Right up in bulging out my skull. My mouth is dry. My face is numb. Fucked up and spun out in my room. We're on my own, here we go. Set on overdrive. The clock is laughing in my face. Crooked spine. My senses dulled. That's the point of delirium. On my own, here we go. The light, they're gonna bleed. Right up and bulging out my skull. My mouth is dry. Face is numb. Fucked up and spun out in my room. Yeah. except for the Pope may be in Rome. Et 88.9 CFNJ. C'est Méloman avec Mathieu Lajoie. Fais-les ton trip, fais-les ce que t'as à faire. Tu sais que j'suis un gars ouvert. Je veux pas que t'étouffes, je veux pas que tu souffres. Je veux surtout pas te pomper l'air. Fais donc ce qui tente, fais donc ce qui tente. Un point c'est tout, puis on verra après ce qui me dérange. Fais donc ce qui tente, fais donc ce qui tente. Voici la voir ta gang, ton ex, puis toute la patente. Mais reviens pas trop tard. Mais te perdre de toute façon. Je le vois bien que t'as plus de façon. Va faire un tour, va faire l'amour avec le premier frisson. Fais donc ce qui tente, fais donc ce qui tente. Moi je vais rester ici comme un beau loser à t'attendre. Fais donc ce qui tente, fais donc ce qui tente. Vas-y creuser le doorman, va faire la file d'attente. Mais reviens pas trop tard. Mais reviens pas trop tard. Je pourrais être mort. you, Mary Jane. She never complains when I hit Mary with that flame. I light up the cherry. She's so good to me. When I pack a fresh bowl, I clean the screen. Don't get me stirred up the smoke through the bubbling water. Making it pure, so I got to take my hit and hold it. Just like Chong, I get the bowl and I reload it. Get my four-footer and bring it on. As I take hits from the bomb. Nuageux, 30% de probabilité d'averse pour les prochaines heures, minimum de 8 à 9 degrés. Jeudi, généralement ensoleillé, 19 à 23 degrés. Et vendredi aussi, alternance de soleil de nuages, plus frais, maximum de 13 à 15 degrés. CFNJ 99 à 88. Et toujours en plein spécial années 90, à Mélomane ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9 avec un bloc complètement différent du premier qui s'est terminé avec nos amis de Cypress Hill avec Hits from the Bong en 1993, le tout sur un fond de Son of a Preacher Man, popularisé originalement par Dusty Springfield en 1968 sur son excellent album Dusty in Memphis, mais qui va justement connaître un gros regain de popularité dans les années 90 grâce au film culte Pulp Fiction de Quentin Tarantino, sorti en 1994. Donc, qui sait, peut-être que c'est Cypress Hill qui ont donné l'idée de la chanson à Tarantino en 93, quoique le film devait déjà être en chantier à ce moment-là, mais bref, c'est quand même intéressant de voir qu'une chanson qui avait connu un succès modéré dans les années 60 va susciter autant d'intérêt quelques 25 ans plus tard. Et sinon, juste avant ça, ben, c'est le groupe canadien Moist qu'on a entendu, groupe duquel faisait partie David Usher et qui avait quand même connu un succès considérable avec leurs deux premiers albums. On les a entendus avec Leave It Alone de 96, qui suivait la même année un groupe québécois dont on s'ennuie beaucoup, Zébulon, avec Reviens pas trop tard, une magnifique chanson qu'on pouvait retrouver sur L'œil du Zig, leur dernier album avant leur dissolution. Malheureusement, il va falloir attendre 2008 pour avoir un album de nouveau matériel qui s'est appelé Retour sur Mars. Mais évidemment, ça n'a pas empêché Marc Derry, pas mal le compositeur principal du groupe, de nous pondre plein de belles musiques entre-temps. Et juste avant, ben, on était du côté étonnamment plus électro-dance des choses, avec un succès souvenir de Robert Miles avec Children en 1995. Une pièce qui va tout d'abord sortir en Italie, mais qui va rapidement être certifiée or et platine dans plusieurs pays du monde. D'ailleurs, on dit que ça serait une des premières pièces d'un sous-genre du house qu'on va appeler le Dream House et qui va être un peu créé par des DJ comme Robert Miles pour calmer les gens à la fin des raves qui, on le sait, connaissaient un gros succès à l'époque. Ça va d'ailleurs être un geste qui va être salué par les autorités en Italie parce qu'il y avait des records de morts sur les routes les samedis soirs dans la grosse période des raves à cette époque-là. Donc, bravo Robert Miles qu'on a entendu juste après. Un gros One Hit Wonder, encore une fois, de 1995. Il s'agissait de John Osborne avec One of Us, avec une fameuse progression d'accords qu'on va entendre tout au long des années 90 et au-delà dans, ma foi, des milliers de chansons, et j'exagère pas du tout. D'ailleurs, si vous étudiez en musique, vous risquez de vous faire parler de la Sensitive Female Chord Progression, ce qui est un peu réducteur parce que Dieu sait qu'il n'y a pas juste des artistes féminins qui ont usé de la dite progression, mais c'est vous dire quand même à quel point il a fallu que ça soit utilisé à répétition pour que ça soit enseigné dans nos cégeps et nos universités, et c'est certainement dans les années 90 que ça a connu son pic, comme en témoigne One of Us, qu'on a entendu juste après Brains 2 de Green Day, toujours en 95, qui, elle, on pourrait dire qu'elle utilise une cadence andalousienne, comme un peu Chicago 25 or 624, mais là, on tombera pas dans la théorie comme ça, inlassablement. Parce que nous, ben, c'est pas fini, on y retourne. On est toujours en plein spécial Méloman 90, 99 ans et 88.9 CFNJ. Beautiful people, the beautiful people. check me. He will be before I have to go. Deep in thought, I forgive everyone. As the credits truths greet me once again. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Mon prof de maths, je le trouve plate. Il y a une verrue grosse comme une tomate. Dans la classe, tout le monde l'envoie, il promenouille, puis on se lance des petites boules de piquet. Mon prof de français se motille, puis il parle pas mieux que Stéphane Richer. Il fait des fautes sur le tableau, il devrait enseigner le boulot. Lui, je l'aime, il est tout slim comme dans les films. Avec ses petites shorts serrées, on voit tout son set de clips. À l'école, toutes les profs sont dolles. Ben, j'ai toujours hâte d'aller au gymnase pour voir. On parlera pas de mon prof d'anglais, y'a de l'air d'une truite pis sans mauvais. C'est un prof, mes seuls mots qu'il connaît, c'est yes, toaster pis partenet. Mon prof de bio, il est même pas bio. Mon prof de philo, c'est un filou. Ma prof de religion, elle a un chignon, c'est une école de cons. Quand j'arrive à l'école en jeans, on y regarde tout le paquet, puis on bat tout sur le parquet. À l'école, toutes les profs sont dolles, ben j'ai toujours hâte d'aller au gymnase pour voir. Allez, va te voir la prof de le prochain frappeur. Uh-huh. Et si le prochain frappeur, l'autre après, fera plus peur. Uh-huh. Et de toute façon, dans les expos, il n'y en a pas qui fera pas peur. Un frappeur, ça frappe en bas de 200, ça. Uh-huh. Oh, la balle est frappée très haut et très loin. Uh-huh. Et c'est le grand Chelem. Chelem, ce frappeur-là, oui. Alors voilà les joueurs qui rentrent au marbre en riant. Voilà le prochain frappeur. Yeah! Uh-huh. Un point produit. Uh-huh. As-tu un problème, Gilles? Non, non. Yeah! Uh-huh. Yeah! Uh-huh. Yeah! Uh-huh. Yeah! Uh-huh. Yeah! Uh-huh. Yeah! Uh-huh. Yeah! Uh-huh. T'es au bat, bat, boy, cogne un circuit, cogne un circuit. Oui, t'es au bat, bat, cogne jusqu'à des coris, jusqu'à des coris. Swing ton bout de bois assez fort pour défoncer le gain. Uh-huh. Moi je pense que je vais aller voir les expos avec ma hand pis mes Les expos cette année, ils ont le moral ben pépé. Allô, Philippe! Tiens, Tim de Wallach! Où est-ce qu'il est rendu Gary? Va revenir dans un quarter! Lâche ma calotte, Marcus! La prochaine fois, je t'en grissume! Voilà, c'est un coup de sacrifice. Oh, il a un sacrifice de coup! Walker est au troisième, Spike Owen est au deuxième, pis Youpi est au rez-de-chaussée! Yeah! Bat, bat, boy, cogne un circuit, cogne un circuit. Oui, t'es au bat, bat, cogne jusqu'où j't'assis, où j't'assis. Cogne assez fort pour que les gars au champ se rendent dedans. J'allais. T'es au bat, bat, boy, cogne l'asti, cogne l'asti. Come on, les gars, come on, des lino. Capitaine, j'aperçois un navire qui semble venir de Pittsburgh. Ça, c'est des pirates. Passe-moi le porte-voix. Merci. De rien. Hey, les pirates, c'est nous autres qui est au bâton. Shoot les autres en petit ballon. Elle est partie! Ça t'apprendra. Yeah. Can you feel it, baby? I can Toujours en plein mélomane qui, ce soir, est consacré entièrement aux années 90. Tout ça, évidemment, sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9, avec un bloc un peu plus corsé et qui vient de se terminer sur un doublé qui, personnellement, me rappelle instantanément la belle époque du combat des clips à Musique Plus en 92, pendant ce qui m'avait semblé une éternité du haut de mes 8 ans. À chaque combat des clips, c'était Metallica qui affrontait Guns N' Roses. Des fois, c'était un qui gagnait, des fois, c'était l'autre. November Rain contre Nothing Else Matters. Des fois, les deux singles sortis en 92, même s'ils viennent tous les deux d'un album d'album sorti en 91. Use Your Illusions 1 et Metallica, surnommé le Black Album pour ne pas les nommer. Ou The Unforgiven, single sorti juste avant Nothing Else Matters, qu'on vient d'entendre ici, juste avant, évidemment, November Rain de Guns N' Roses. Juste après, plutôt. Guns N' Roses qui ont perdu tout d'un coup beaucoup de fans au Québec quelques mois plus tard, le 8 août 1992, quand ils vont provoquer les fameuses émeutes au Stade Olympique, quand ils vont venir en compagnie, justement, de Metallica et Faith No More. Un incident pyrotechnique qui avait obligé Metallica, qui faisait la première partie de Guns N' Roses, d'écourter leurs prestations. Et Axl Rose, fidèle à lui-même, a provoqué une émeute au lieu de sauver le show en personne responsable. Puis tout ça qui a marqué plus ou moins la fin d'une époque. C'était un peu la fin des mastodontes du rock. Le grunge venait d'arriver. C'était l'époque du rock alternatif et de l'ironie. Mais c'est normal, c'était le retour du balancier. Mais dans les années 90, il y avait aussi le frère de Donnie Wahlberg, membre des New Kids on the Block, Mark Wahlberg, qu'on va beaucoup plus connaître comme acteur dans les années à venir, qui a fait son apparition sous le pseudonyme de Marky Mark, accompagné du Funky Bunch, qui vont nous pondre Good Vibrations, en 91, à ne pas confondre avec le chef-d'œuvre de Brian Wilson des Beach Boys, Good Vibrations, qui va devenir numéro un dans plusieurs pays de par le monde, avec son refrain chanté par Lolita Holloway, une vétérante à la voix hyper puissante qui a eu sa carrière à elle, mais qu'on aussi a entendu parfois en personne et parfois en échantillonnage sur des succès dance des années 80-90, comme Right on Time, The Black Box, entre autres. Et ça suivait ici, qui d'autre que ce cher François Pérusse qu'on a découvert dans les années 90 et dont on a entendu ici le fameux medley « Mon prof de gym », parodie de Pump Up the Jam de Technotronics et Bat Boy qui nous rappelle les dernières années de gloire des expos et qui, elle, parodiait Bad Boys de Midi, Maxi et Nefty, un groupe suédois des années 90. Et sinon, ben, c'est les Smashing Pumpkins qu'on a entendu avec 33 de 1995, l'album Melancholy and the Infinite Sadness, qui suivait évidemment Nirvana en 93 avec Heart-Shaped Box et le tout amorcé par Monsieur Shock Rock des années 90, Marilyn Manson avec The Beautiful People, qui a choqué bien du monde à l'époque et qui a peut-être choqué d'autres gens ce soir. Mais que voulez-vous, il y avait tellement de trucs que je pouvais mettre ce soir. Ça sera certainement pas le dernier spécial 90 qu'on fera à Méloman. D'ailleurs, c'est pas terminé. On est toujours au 99.1 et 88.9 CFNJ. cry for me, I cry for you. The tears of holy joy for all the days of still to come. And did I ever say I'd never play a fly to all the sun? Maybe in the meantime something song. Oh,

De retour de notre dernier bloc de cette soirée consacrée aux années 90, toujours à Mélomane sur les ondes de 99.1, 88.9 CFNJ. Évidemment, il y a vraiment plein d'autres trucs que j'ai pas eu le temps de vous faire jouer. On va être obligé de faire un autre spécial années 90. Pas de choix, mais brièvement, question de savoir ce qu'on vient d'entendre, eh bien, il y avait Garbage qui ont connu un grand succès, mi-90, groupe de Butch Vig qui avait juste produit Nevermind de Nirvana. On les a entendus avec Milk en 96, chose qui suivait l'excellent groupe suédois The Cardigans qu'on est toujours heureux d'entendre la même année avec Love Fool qui suivait elle-même, qui d'autre que Coolio en 95 avec Gangsta's Paradise. Et à ce sujet, je vais vous donner un devoir cette semaine. Allez écouter Stevie Wonder avec Pastime Paradise de son magnifique album Songs in the Key of Life de 1976. Vous allez peut-être avoir une petite surprise. Et sinon, ben entre l'ombre et la lumière de Marie-Carmen, bien sûr, en 92. Le tout amorcé par le One Hit Wonder Space Hog avec In the Meantime en 95. Et pour le potin, le chanteur de ce groupe-là qui aurait sorti avec Liv Tyler, chanteur plutôt actrice et fille de Steven Tyler, chanteur d'Aerosmith, évidemment. Liv Tyler, Steven Tyler. D'ailleurs, je vous invite à écouter pour le reste de la soirée Blues Moi, qui va suivre tout de suite après, suivi des nouvelles nuits classic rock constituées de mes petites sélections pas piquées des verres. Et moi, ben, je vous remercie d'avoir été fidèle au poste. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 20h, pour un autre Mélomane. D'ici là, bonne semaine et bonne nuit.